Arnolphe renvoie finalement le notaire venu établir son contrat de mariage, puis il sermonne valet et servante pour qu'il ne soit pas déshonoré par l'heureux soupirant. Et il envisage même de s'assurer les services de son voisin, le savetier, pour espionner Agnès, quand arrive Horace.